montagnes et fractures les Alpes, l'âge d'une roche est déterminé grâce aux fossiles qu'elle contient. À leur grand étonnement, de nombreux scientifiques ont constaté que des montagnes se sont effectivement déplacées et que certaines stratifications ont franchi d'autres montagnes, plus récentes qu'elles. Chef Mountain dans le Montana est un massif qui domine toute la région. Il fut littéralement plaqué sur les couches bien plus jeunes des grandes plaines, puis traîné au-dessus d'elles en direction de l'est pendant au moins 13 km. En fait, son déplacement a même pu dépasser ce chiffre, écrit Daly. À la suite de poussées similaires, toute la ligne des montagnes cocheuses a jailli du sol sur des centaines de kilomètres. Une fois dehors, elle s'est avancée de plusieurs kilomètres sur les plaines. Un peu partout sur notre planète, on a constaté des déplacements titanesques identiques. Celui des Alpes fut particulièrement important. Durant la naissance des Alpes, des gigantesques masses rocheuses, épaisses de plusieurs kilomètres, longues de centaines et larges d'une quinzaine ont subi une poussée verticale et ont été, ensuite, bousculées latéralement par rapport aux couches inférieures. Eu la direction de ce mouvement de chevauchement, allait de l'Afrique vers la masse européenne, au nord. Les roches visibles des Alpes suisses ont été charriées vers le nord sur des distances de l'ordre de 100 km. En quelque sorte, les Alpes se trouvaient à l'emplacement actuel de l'Italie du Nord. En clair, le Mont Blanc fut déplacé, le Cervin retourné. La partie basse des montagnes, qui entoure la vallée du Lint au cœur du canton de Glary, est constituée par des formations tertiaires de l'époque des mammifères, les parties hautes sont permiennes, c'est-à-dire de l'époque qui précéda celle des dinosaures, époque jurassique. George Créadipris, comme on sent ses géologie, page 120, de Fossilage McCain Geology, Princeton Ontological Review, vol. 20, NDEG 4, octobre 1922. F. Kamate, Études sur Gegamov, Biographie of the Art, dans Science du 16 janvier 1942. Une ou deux conclusions s'imposent donc, ou bien la classification des roches en séquences successives reposant sur les fossiles est trompeuse, ou bien les anciennes formations ont été déplacées et replacées au-dessus des plus récentes. On a retenu cette dernière. Pourtant, si la thèse de Saussure des océans sur les Alpes a de quoi surprendre, celle du déplacement des montagnes peut sembler encore plus extraordinaire, surtout lorsqu'on ne connaît pas la cause. Le problème posé par la naissance des chaînes montagneuses est très épineux, la plupart sont composées de roches, tangentiellement comprimées et superposées, qui indiquent des contractions circulaires de plusieurs dizaines de kilomètres au sein de l'écorce terrestre. Une contraction radiale ne suffirait pas à produire la compression horizontale constatée. C'est le côté embarrassant de la question. Les géologues n'ont pas encore trouvé de solution satisfaisante pour sortir de ce dilemme. Ainsi s'exprime F. Kamate, de l'université de Harvard. Aujourd'hui ni la naissance des montagnes, et encore moins leur déplacement sont expliqués. Les Alpes ont été charriées sur 120 km vers le nord. Le chef Mountain du Montana a traversé les plaines, monté la pente d'une autre montagne, et s'est fixé sur le sommet de cette dernière. Tout le national park et tout le territoire des Cocheuses jusqu'au col Yellowhead, Alberta, ont parcouru de nombreux kilomètres. Les monts de l'ouest écossais ont quitté leur place primitive. La ligne des montagnes norvégiennes a subi une poussée analogue. Qu'est-ce qui a entraîné ces masses granitiques pesant des milliards de tonnes sur d'aussi grandes distances? Aucune force interne n'y aurait réussi, seule une torsion a pu y parvenir, et elle n'aurait guère eu de chance de se produire, si la rotation et la révolution de notre planète n'avaient pas été dérangées. On a découvert dans des grottes à haute altitude des Alpes des objets en pierre et des os sculptés, datant du Pléistocène, ère glaciaire. Pendant la glaciation, les pentes et les vallées de ce massif ont dû être recouvertes de glace. Aujourd'hui, l'Europe centrale ne connaît de grands glaciers que sur les Alpes. L'occupation de ces endroits par l'homme pendant le Pléistocène ou le Paléolithique a de quoi surprendre. La grotte de Wildkirchli, près de la cime de l'Ebenalp, est à 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer et fut habitée à un certain moment pendant le Pléistocène. Quant à celle de Drachenloch, partie du massif Drachenberg au sud de Ragaz, avec ses 2445 mètres d'altitude, elle est encore plus remarquable. Ces deux sites archéologiques sont en plein cœur du champ de glace alpin. Un manteau glaciaire épais de centaines de mètres comblait toute la vallée comprise entre les Alpes et le Jura, là où se trouve aujourd'hui le lac de Genève, et ce jusqu'à la hauteur des blocs erratiques arrachés aux Alpes et déposés au sommet du Jura. À la même époque géologique entre deux avances de la couche glaciaire, c'est-à-dire pendant une relative accalmie, des êtres humains ont vécu dans ces grottes à 2445 mètres d'altitude, ce qui n'a jamais été expliqué de façon acceptable. Les montages sont-elles nés à une époque où l'humanité existait déjà, et ont-elles aussi élevé les grottes servant d'abri à nos ancêtres? Ces dernières années, de nombreux témoignages sont venus montrer que les Alpes et d'autres montagnes ont atteint leur altitude actuelle et se sont déplacées sur de longues distances au cours des temps historiques. Des poussées montagneuses donnant des milliers de mètres d'altitude se sont produites pendant le Pléistocène. Il en fut de même pour les cordillères américaines, le système Alpes-Caucase d'Asie centrale et beaucoup d'autres. Les géologues demeurèrent perplexes en apprenant que les principaux sommets du monde se sont élevés à une époque récente. En effet, ce n'est pas après l'apparition de l'homme sur la Terre, mais bien pendant son existence que des montagnes ont grandi, que des vallées se sont disloquées, et que des lacs accrochés à leurs pentes se sont vidés. Helmut Gamm et Rolf Nordhagen ont rassemblé une documentation très complète sur la Bavière et le Tyrol des Alpes orientales. Nous y reviendrons au chapitre 11. L'extrême jeunesse de ces grandes montagnes est à peine croyable, écrit même l'explorateur Bellavilly à propos des massifs asiatiques. L'Himalaya, la plus haute chaîne du monde se dresse, comme une muraille longue de 1600 km au nord de l'Inde, du Cachemire jusqu'au Bhoutan. Les pics de 6,0 mètres y sont courants, et l'Everest atteint 8882 mètres. Les sommets de ces géants recouverts de neige éternelle connaissent un ciel où même les aigles n'osent voler. Mais les scientifiques du 19e siècle étaient stupéfaits de voir que les roches de l'Himalaya contenaient des squelettes de poissons, de mollusques et d'autres animaux de la mer, preuve irréfutable que le massif entier avait pris naissance au-dessous du niveau de la mer. À une époque lointaine, les eaux bleues de l'océan avaient donc recouvert l'Everest. Les poissons et les crabes évoluaient au-dessus, admirant d'en haut ce que nous contemplons aujourd'hui d'en bas, dans un décor où l'homme a finalement posé le pied après tant d'essais malheureux. Il y a encore peu de temps, personne ne doutait que l'Himalaya était sorti du fond de la mer avant d'atteindre son hauteur actuelle. Lorsque nous racontons aux enfants une histoire sur les géants ou les monstres, on la commence en disant « il était une fois, voilà très, très longtemps ». Les géants ne sont plus dangereux et on ne croit plus aux monstres. Selon l'actuel concept de l'évolution, les premières manifestations de la vie sont apparues sur la Terre voici un demi-milliard d'années pour prendre ensuite la forme de reptiles géants, qui ont régné voici 200 millions d'années. Ceux-ci ont disparu il y a 70 millions d'années, et ont laissé la place aux mammifères à l'ère tertiaire. NDT, voir tableau des temps géologiques au chapitre 13. NDT, études sur l'âge glaciaire en Inde, et sur les civilisations humaines correspondantes. Arnold M. et Auguste Gosset, de Throne of Go, en Hakun of the First Swiss Expedition to the Himalaya, 1939, page 218. À la fin de cette ère qui nous a précédé d'un million d'années, toujours selon le même principe, ont eu lieu les dernières poussées montagneuses. L'ère suivante, le Quaternaire, est celle de l'homme, la période glaciaire y précède la période dite récente, qui correspond aux cultures de l'âge de la pierre polie, néolithique, de l'âge du bronze et de l'âge du fer 19 degrés. Depuis l'apparition de l'homme, au début de l'âge glaciaire, il ne se serait produit aucun plissement d'importance. En d'autres termes, cela revient à dire que le mode âge de la configuration terrestre avec ses montagnes et ses océans était déjà terminé avant la naissance de l'humanité. Mais depuis quelque temps, les montagnes et les vallées nous ont révélé des indices qui font apparaître tout cela sous un autre jour. Au Cachemire, Flelmu de Terra a découvert les dépôts sédimentaires d'un ancien fond marin, qui s'était élevé jusqu'à plus de 1500 mètres, et s'est incliné sous un angle qui dépasse parfois 40 degrés. Ce bassin a été hissé là par exhaussement des terres, or, fait inattendu, ces dépôts contiennent des fossiles paléolithiques. Pour fantastique que puisse paraître ce genre de bouleversement, il semble plausible selon le Suisse Arnold Flemm, que l'école de l'Himalaya se soit élevée d'au moins 1000 mètres. Écrite par De Terra de l'Institut Carnegie en collaboration avec le professeur Patterson de Harvard, les studiants Sagin India and Associated Human Culture, propose que l'Himalaya s'est élevé pendant l'âge glaciaire, et n'a atteint son altitude actuelle qu'après, c'est-à-dire au cours de nos temps historiques. Leur présomption ne se limite pas à l'Himalaya. De Terra a classé les pentes du Cachemire au Pléistocène ancien, moyen et récent. Le paysage que cette région présentait au début du Pléistocène devait être très très différent de celui que nous voyons aujourd'hui. La vallée du Cachemire était moins élevée et son rempart sud, le Pir Panjal, n'avait pas la majesté actuelle. Puis divers groupes montagneux bougèrent à la fois horizontalement et verticalement, ce qui eut pour résultat de déplacer les stratifications les plus anciennes vers le sud, au-dessus des sédiments de la plaine, et de favoriser l'exhaussement de la ceinture en mouvement. La masse principale de l'Himalaya subit de fortes poussées verticales à la suite desquelles les lits de plusieurs lacs du Cachemire furent comprimés et hissés sur la pente de la chaîne la plus mobile. L'élévation fut accompagnée d'un glissement du Pir Panjal vers le sud, en direction de la plaine de l'Inde nord-occidentale. Ce massif, qui se rapprocha de l'Inde, mesure à présent 4500 mètres d'altitude. Au début de cette période, la faune se trouva très appauvrie, mais s'ils en jugent d'après ses vestiges, la région fut par la suite peuplée de grands félins, d'éléphants, de chevaux et d'hippopotames. Pendant le Pléistocène moyen, il y eut une poussée continue. Le matériel archéologique prouve que l'homme habita les plaines avoisinantes. Il employait des outils de pierre en forme de feuilles, ressemblant étrangement à ceux trouvés en Angleterre dans la forêt enfouie de Cromée. De Terra parle de l'abondance des sites paléolithiques. Puis une fois encore, l'Himalaya a subi une poussée verticale. L'inclinaison des terrasses et des lits lacustres indique une poussée verticale ininterrompue de toute la région himalayenne pendant les ultimes phases de l'âge glaciaire. Tandis que les habitants des montagnes travaillaient la pierre, il est possible que ceux des vallées de cette époque en étaient déjà à l'âge du bronze. Les spécialistes ont plusieurs fois admis que la fin de la glaciation a pu précéder de peu la naissance des grandes civilisations égyptiennes, sumériennes tout comme l'indienne et la chinoise. Certaines peuplades ont probablement connu l'âge de la pierre en même temps que d'autres connaissaient celui du bronze. Actuellement en Afrique, en Australie et à l'extrémité sud de l'Amérique en terre de feu, de nombreuses tribus vivent au néolithique, et beaucoup d'autres régions du monde en seraient restées là si des pays plus avancés n'y avaient introduit le fer. Lorsque le navigateur Abel Tasman découvrit leur île en 1642, les Tasmaniens ne savaient pas polir la pierre pour fabriquer leurs outils, pour ne citer que. Ils en étaient alors au mésolithique le plus primitif, et n'ont jamais beaucoup évolué, leur race s'est éteinte avec la disparition du dernier aborigène de pure souche, mort en exil vers 1876. C'est aussi avec l'homme moderne que se sont produites les plus récentes poussées de l'Himalaya. Les traces caractéristiques de terrasses post-glaciaires permettent de supposer qu'il y a eu au moins une recrudescence importante de glace après la glaciation, ce qui indique un mouvement diastrophique pour De Terra et Patterson. Nous devons insister sur un point particulier, la relation existant entre la glaciation du Pléistocène et l'aspect d'histoire du coffre certaines ceintures montagneuses instables. À notre avis, ce rapprochement n'a pas été suffisamment établi en d'autres régions soumises à la glaciation, telles que l'Asie centrale et les Alpes, où l'on rencontre des caractéristiques analogues si ce n'est identique. On a toujours supposé que le loess, variété de limon riche en calcaire, était le produit d'une ère glaciaire. Toutefois, en ce qui concerne l'Himalaya, De Terra déclara y avoir trouvé un matériel néolithique en loess poli. Il est important pour nous de savoir que sa formation, du loess, ne s'est pas arrêtée avec la glaciation mais qu'elle a continué, au cours des temps post-glaciaires. La présence de ces objets tant en Europe, qu'en Chine a causé des revirements d'opinion. Selon le système admis, le néolithique aurait commencé à la fin de la période glaciaire, et a persisté à une époque où les grandes civilisations connaissaient déjà l'usage du bronze. Note JDL. Curieusement, Overblom développe aussi cette idée de la nature meurtrière dans son livre fameux Le Principe de Lucifer, tome 1, édition. Le Jardin des Livres, 2002. Aimé Gosset, de Throne of Go, page 220. Lee, de Geology of China, page 207. Erfin Sterwalde, Die Formen der Nanga par Bagrup, Zeitschrift der Gesellschaft Kindze du Berlin, 1936, page 321 et suivent. Après avoir exploré le Nanga Parba, 8131 mètres, dans l'ouest himalayen, Erfin Sterwalde a estimé que sa glaciation remonte à la période post-glaciaire. En d'autres termes, l'expansion de ces glaciers s'est effectuée beaucoup plus récemment qu'on ne le pensait. De fortes poussées verticales s'y sont produites, en partie après la fin de l'ère glaciaire, c'est-à-dire il y a quelques millénaires seulement. Emma déduit de son étude sur le relief de la Chine occidentale que les chaînes adjacentes au Tibet et situées à l'est de l'Himalaya s'étaient élevées depuis la période glaciaire. L'Himalaya a atteint son altitude actuelle avec l'homme moderne, les sommets les plus inaccessibles sont aussi les plus jeunes. Du haut de leurs pics altiers, les montagnes dédaigneuses contredisent ceux qui prétendent que la date de leur naissance se perd dans la nuit des temps. Les monts Siwali appartiennent aux contreforts himalayens, ils s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres au nord de Delhi, et culminent aux environs d'1,0 m. Au XIXe siècle, l'attention des scientifiques fut attirée par l'extraordinaire richesse de leurs couches fossiles renfermant une abondance d'ossements d'animaux vivants et disparus. On a dit que la nature s'était livrée là à des expériences meurtrières, et qu'elle avait rejeté ceux inaptes à la vie. Il s'y trouvait par exemple, une carapace de tortue d'au moins 6 mètres de long. Comment pareille bête avait-elle pu circuler en terrain montagneux? Se demande Dehemwadia. Un éléphant, dit Elophaganosa, avait des défenses longues de 4,30 m, avec un diamètre de 30 cm, et un scientifique s'est même demandé, on ne comprend pas comment l'animal pouvait les porter étant donné leur dimension et leur énorme poids. Herbivore à sa beau très particulier. Deux partagent avec Darwin l'honneur d'avoir été l'instigateur de l'idée de sélection naturelle. J.T. Wheeler, de Zonal Belt Hypothesis, 1908, page 68. Une paire de défenses de cette dimension est exposée au musée paléontologique de Princeton. Il existe tant d'espèces dans ces fossiles de Siwali qu'en comparaison, notre royaume animal actuel est très pauvre. D'ailleurs, il semble avoir envahi le globe simultanément, cette soudaine arrivée de toute une population d'herbivores, de carnivores, de rongeurs et de primates, qui constitue l'ordre animal le plus élevé, doit être considérée comme un exemple particulièrement remarquable de la rapide évolution des espèces, écrit Wadia dans sa géologie de l'Inde, 7. Les hippopotames, pourtant habitués à un climat très particulier constate De Terra, les porcs, les rhinocéros, les grands singes et les bovidés, remplissent les collines de leurs os, au point de les faire éclater. Aller Wallace fut un des premiers à s'y intéresser, et à attirer l'attention sur la disparition brutale d'autant d'espèces. La presque totalité de la faune locale a disparu. Certains individus ont été épargnés, et on retrouve en Inde quelques-uns de leurs descendants. Sur presque 30 variétés d'éléphants retrouvées, une seule a survécu. Cette extinction soudaine et générale doit retenir la plus grande attention du géologue. Pas un seul des grands carnivores, aucune des diverses races d'éléphants appartenant à 25 ou 30 espèces, les grands ongulés dont les nombreuses troupes avaient trouvé des habitats favorables dans les jungles des Siwali au Pléistocène, ne se rencontreront plus au cours de l'ère géologique suivante. Les spécialistes admettaient que la période glaciaire les avait décimés, mais ils ont reconnu, depuis, que ces destructions massives se sont produites lorsque l'humanité était en pleine expansion. Les vieux géologues estimaient que les dépôts des Siwali, de nature alluvionnaire, provenaient d'éléments apportés par les torrents himalayens, mais on se rendit compte que cette explication ne semblait guère plausible étant donné la remarquable homogénéité des débris et la similitude de la composition lithique d'une multitude de bassins isolés, séparés les uns des autres par des distances considérables. Il faut donc croire qu'un agent quelconque a charrié ces animaux, les a déposés au pied de l'Himalaya, et a répété l'opération à la fin d'une autre période géologique. En effet, les stratifications des Siwali contiennent des fossiles de plusieurs époques et offrent des signes de plusieurs destructions. Le sol fut ébranlé, la partie rompue a été charriée par glissement sur un long parcours, poussant les anciennes couches pré-siwalikaines des chaînes intérieures au-dessus des roches plus récentes, des chaînes extérieures. Si la cause de ces bouleversements et de cet anéantissement n'a pas été locale, elle doit avoir produit de semblables effets à l'autre extrémité de l'Himalaya et même au-delà, à 2100 km de là, au centre de la Birmanie, les dépôts creusés par l'Irrawaddy peuvent atteindre 3000 mètres. Dans cette série de strates apparaissent deux couches fossilifères séparées par environ 1200 mètres de sable. Le gisement supérieur, caractérisé par la présence du mastodonte, de l'hippopotame et du beuge, ressemble à l'un de ceux des Siwali. Les grandes quantités de bois fossiles qui y sont mêlés rendent les sédiments remarquables. Des milliers de troncs d'arbres entiers, et le nombre incalculable de grosses bûches prises dans les grès prouvent que d'immenses futaies d'une extrême densité ont été détruites. Leurs hôtes furent exterminés par le déchaînement des forces naturelles qui, du Cachemire à l'Indochine, recouvrirent de sable faune et flore au cœur même de montagnes hautes de milliers de mètres. Tiahuanaco, ville morte des Andes en pleine cordillère, par 16 degrés 22 minutes de latitude sud, et à 3800 mètres d'altitude, on a découvert une cité dans une région où le maïs ne mûrit pas. Tiahuanaco est située sur l'altiplano, une plaine élevée des Andes sur la frontière bolivio-péruvienne, non loin du lac Titicaca. Le terme de mégalithique qualifiant cette ville morte ne tient compte que des grandes pierres de ses bâtiments, dont certaines sont aplanies et jointes avec une extrême précision. Le mystère qui entoure le plateau du Titicaca n'est pas encore éclairci. Ce qui rend sa solution difficile, et surtout l'aspect actuel de la région, dont la configuration ajoute à l'énigme. Si les berges du lac pouvaient parler, elles révéleraient une histoire du plus haut intérêt 21 degrés. Ainsi s'exprimait en 1910 Sir Clement Markham, cette contrée est tout au plus capable de nourrir une maigre population de rudes montagnards. L'existence de la grande cité sur la rive sud du lac est mystérieuse. Ses bâtisseurs sont totalement inconnus. Elle couvrait une vaste étendue, et avait été construite par de très habiles maçons, qui utilisèrent des pierres énormes. Lorsque Markham expliqua au milieu scientifique le problème posé par cette présence à une telle altitude, Leonard Darwin, alors président de la Royal Geographical Society, répondit que le socle sur lequel elle se trouvait avait dû s'élever de façon considérable après sa construction. Tout d'abord, Sir Markham estima que cette idée dépassait les bornes du possible, mais supposant que les Andes avaient alors 600 ou 1000 mètres de moins qu'aujourd'hui, il conclut, le maïs devait mûrir dans le bassin du lac Titicaca, et les environs de Tiahuanaco pouvaient fournir l'alimentation de la population qu'il habitait. Par conséquent, se dit-il, si les bâtisseurs de la ville ont vécu dans ces conditions, l'énigme est résolue, si, au contraire c'est géologiquement impossible, elle demeure entière. Posnansky, une autre autorité en la matière, écrivait dans le même sens, ce plateau en Inde est inhospitalier et presque stérile, le climat qui règne ne lui aurait jamais permis d'abriter les grandes masses humaines du centre préhistorique le plus important du monde. L'interminable succession des terrasses agricoles dues au travail de la population qui vivait à l'époque pré-Inca est encore visible. Aujourd'hui, la zone bâtie occupe une place très au-dessus du niveau de la mer. Elle est le fut jadis beaucoup plus basse. Les premières terrasses atteignent 4600 mètres d'altitude surplombant ainsi Tiahuanaco d'environ 800 mètres, d'autres montent en s'échelonnant, jusqu'à 5600 mètres, soit à la limite des neiges éternelles sur l'Illimani. Il est de tradition chez les géologues et les évolutionnistes de dire que la transformation de la Terre s'effectue lentement, de façon continue, et qu'en conséquence les poussées verticales spontanées n'ont jamais pu se produire sur une grande échelle. En l'occurrence, le changement d'altitude est apparemment survenu après la construction de Tiahuanaco, et n'a pu résulter d'un lent processus, lequel aurait exigé des centaines de millénaires pour provoquer une altération notable. Jadis, La ville était proche du niveau des océans, et le Titicaca s'étendait à une trentaine de mètres plus haut, comme le montrent ses anciennes berges. Mais elles sont infléchies et se trouvent par endroits à plus de 110 mètres au-dessus du lac actuel, la plupart des plages qui l'entourent sont surélevées. Un géologue a souligné avec insistance la fraîcheur de certains tracés littoraux, et l'apparente jeunesse des fossiles rencontrés. Les derniers relevés topographiques de cette partie des Andes, les récentes études sur la faune du Titicaca, et des lacs voisins ainsi que l'analyse de leurs eaux, ont établi qu'ils étaient situés à proximité de la mer, soit à 3800 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Le Titicaca, le Popo, le Quapaga et ses bandes de sel, comme ceux du Uyuni, ont une composition chimique semblable à celle de l'océan. Dès 1875, Alexandre Agassiz avait montré l'existence de crustacés marins dans le lac Titicaca. À une altitude légèrement supérieure, le lit d'une immense lagune asséchée, dont les eaux devaient être saumâtres, est rempli de mollusques caractéristiques tels que le Paludestrina et l'Ancilu, ce qui indique, géologiquement parlant, une origine très récente. À cette époque, tout l'altiplano surgit du fond de l'océan apportant à l'air libre ses cuvettes sous-marines. Une ville y fut construite, ses habitants accrochèrent des terrasses au flanc des précipices qui l'entouraient. Enfin, lors d'un autre cataclysme, les montagnes, soumises à une nouvelle poussée interne, s'élevèrent davantage et les lieux devinrent inhabitables. La barrière des cordillères qui sépare l'altiplano de la vallée, fut renversée et des blocs gigantesques précipités dans le gouffre. Liel, opposé au concept catastrophité, supposa que ces éboulis avaient participé à la formation d'un important barrage qui, en se déversant dans la vallée, inspira aux indigènes le mythe d'un déluge universel. Récemment, on a tenté d'expliquer le mystère du lac et des constructions environnantes à la lumière de la théorie d'Orbigée selon lequel un corps céleste exerça une attraction sur les eaux océaniques en tournant très près, autour de la Terre et les entraîna vers l'équateur, ce qui eut pour résultat de les maintenir jour et nuit à l'altitude de la citadelle, le niveau des mers dut alors se stabiliser à 3500 mètres au moins. Puis, le corps, retenu par l'effet de gravitation, se disloqua et l'océan reflua vers les pôles, conférant à l'île de Tiahuanaco l'aspect d'une montagne émergée, dont les assises constituent maintenant le continent américain tropical et subtropical. Ces événements eurent lieu des centaines de milliers d'années, avant que la Lune devienne notre satellite. Les ruines de la cité mégalithique sont donc très anciennes, car elle a dû être bâtie bien avant première déluge. Cette idée est surprenante. L'étude géologique des terrains indique une élévation récente des Andes, et l'époque de leur origine semble très proche de la nôtre. Les fouilles archéologiques et l'analyse de radiocarbone montrent que l'ancienneté de la civilisation andine et l'âge de la ville ne dépassent guère 4000 ans. Elle démontre que la dernière élévation des Andes n'a pas eu lieu il y a 1 million d'années, partant de là, la théorie qui fait remonter leur naissance au temps antédiluvien s'écroule. Jadis, l'altiplano était au niveau de la mer, sinon au-dessous. Ces lacs faisaient alors partie des fosses sous-marines. Le dernier bouleversement se produisit au cours de l'époque historique récente, après la construction de la ville de Tiahuanaco, les lacs furent surélevés, leurs anciens lits inclinés, avec eux, toute la chaîne des Andes prit son altitude actuelle. Au Pérou, la forteresse antique de l'Antetambo, est située au sommet d'un monticule, les matériaux utilisés pour sa construction, se résument à d'énormes blocs mesurant 3,70 mètres, voire 5,50 mètres de hauteur. Ces pierres cyclopéennes ont été extraites d'une carrière distante de 5000 mètres, le fait qu'elles soient arrivées là, après avoir franchi tant d'obstacles et descendu la rivière, constitue une énigme que les géologues sont dans l'impossibilité de résoudre. Toujours au Pérou, dans la vallée du Rubamba, au nord-ouest du lac Titicaca, se dresse sur un étroit plateau, à environ 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer, au milieu d'une profusion de précipices, de failles et de gorges sinueuses. Elle est construite en blocs de porphyre rouge, qui sont parvenus là de fort loin, en descendant des pentes abruptes, en traversant des torrents impétueux, en empruntant des rapides et en remontant des parois rocheuses très escarpées sur lesquelles il est à peine possible de déposer le pied. Le transport de ces blocs aurait pu être réalisable si la configuration des lieux avait été différente au moment de leur utilisation. On manque de preuves absolues, et les changements topographiques doivent être déduits des terrasses abandonnées, des mollusques fossiles extraits des lacs asséchés, dont les berges sont infléchies, et d'autres indications du même genre. Lors de ses voyages en Amérique du Sud, Charles Darwin fut intrigué par les plages surélevées de Valparaiso, ce port chilien au pied des Andes. Il remarqua avec étonnement que l'ancienne ligne littorale se trouvait à 400 mètres d'altitude, et fut encore plus surpris de constater que les coquilles marines récoltées à cette hauteur n'avaient pas été détériorées, indiquant clairement que la région s'était élevée à une époque relativement récente d'autant au-dessus du Pacifique, et les coquilles jonchant les plages ou les rivages surélevés avaient pu résister aux intempéries sans se décomposer. Étant donné que les tracés littoraux intermédiaires sont pour ainsi dire inexistants, il est impossible que l'exhaussement des terres se soit fait progressivement. Darwin avoua d'autre part que loin d'évoquer des cycles périodiques particulièrement violents, L'aspect tourmenté des stratendines n'en pose pas moins un problème insurmontable, sauf si l'on admet que les masses rocheuses intermédiaires préalablement liquéfiées ont été injectées à plusieurs reprises avec des intervalles suffisamment longs pour leur refroidissement et leur durcissement successifs. Actuellement, l'opinion générale est que l'érection des Andes ne résulte pas tant de la compression de ces couches que de l'intrusion d'un magma en fusion qui les souleva. Les volcans y sont abondants et imposants. Les contreforts des Andes sont riches en villes mortes et en jardins suspendus, création d'une civilisation disparue. Les terrasses qui s'échelonnent au-dessus de la limite des neiges éternelles et poursuivent leur ascension jusqu'à une altitude encore ignorée prouvent que l'abandon de ces places fortes et de leur dépendance n'est pas dû à une épidémie ni au décret d'un conquérant. Pendant les années 1930, le gouvernement péruvien entreprit l'exploration aérienne systématique du pays. Le survol de la porcelaine San Juan située à l'ouest des Andes a révélé un nombre inattendu de ruines anciennes et une quantité presque incroyable de terrasses destinées à la culture. Lorsque Darwin fit l'ascension de la chaîne du Spallata, il monta jusqu'à 2140 mètres d'altitude et contempla la plaine argentine. On lit dans son journal, il n'était pas nécessaire de posséder de grandes connaissances géologiques pour interpréter l'extraordinaire spectacle qui m'était brusquement offert. Pourtant, j'avoue avoir eu de la peine à me rendre à l'évidence. J'avais devant moi les anciennes rives de l'Atlantique où jadis de beaux arbres étalaient leur frondaison, quand F. Océan, qui a reculé depuis 2000 km, venait jusqu'au pied des Andes. Je compris qu'ils avaient poussé sur un sol volcanique accumulé au-dessus du niveau de la mer, et que plus tard, ces terrains fertiles avec leurs arbres encore debout s'étaient abîmés au fond de l'océan, où ils ont été progressivement recouverts par des couches de sédiments, comme elles-mêmes devaient l'être à leur tour, par d'énormes coulées de lave sous-marine, dont certaines atteignirent 300 mètres d'épaisseur. Ces déluges alternés de pierres en fusion et de dépôts sédimentaires se succédèrent 5 fois. Les fosses abyssales devaient être très profondes pour recevoir de telles masses, puis de nouveau, les forces souterraines se remirent en mouvement, et je voyais maintenant le lit de l'océan, constituant une chaîne montagneuse haute de plus de 2,0 mètres. Pour extraordinaire et si difficilement compréhensible que puissent paraître ces mouvements, ils se sont pourtant déroulés pendant une période récente, comparée à l'histoire de la cordillère, et la cordillère elle-même est tout à fait récente, si nous la comparons à de nombreuses couches fossilifères d'Europe et d'Amérique 221. Mais il a fallu attendre les recherches effectuées ces toutes dernières années pour démontrer l'extrême jeunesse de la cordillère des Andes. Le plateau de la Columbia, de grandes quantités de lave se répandirent sur les territoires actuels des États de Washington, d'Oregon et d'Idaho. Plus de 500 000 calendés en furent recouverts, leur épaisseur se comptant milliers de mètres. E.S. Nakrivé s'y enfonça à plus d'un point zéro mètre en creusant le canon décevant de vie sans atteindre premier socle sur lequel elle repose. Cette immense contrée qui comprend toutes les terres situées entre les Rocheuses et le Pacifique disparut sous des flots de rochers de minerais en fusion, jaillissant des fissures du sol crevassé. Le spectacle ne devait pas être comparable à celui d'une éruption volcanique ordinaire. Pour cette seule raison, à l'exclusion de tout autre, le principe d'uniformité s'avère particulièrement trompeur. L'épaisseur de la lave sur l'immense plateau de la Columbia atteint et dépasse souvent 1500 mètres. Même si l'on suppose qu'il a été formé par des épanchements produisant chaque fois une couche de 20 à 25 mètres, l'épaisseur reste considérable, et le phénomène aurait dû se produire au moins 70 fois pendant le Cénozoïque, l'époque des mammifères et de l'homme. Enfin, tous les observateurs compétents ont remarqué la fraîcheur des laves de la Snakrivé, Idaho. Cela est frappant surtout parce que nous sommes enclins à décréter le problème résolu, alors que nous l'avons seulement renvoyé vers un lointain passé. Il y a quelques milliers d'années, la lave se répandit sur cette partie de l'Amérique, plus vaste que la France, la Suisse et la Belgique réunies. Elle coulait non comme un ruisseau, une rivière ou un fleuve en crue, mais comme une marée, inondant les terres les unes après les autres, comblant toutes les vallées, dévorant les forêts et dévastant les lieux habités, évaporant de grands lacs comme si elle avait eu affaire à de petites flaques. Ce magma bouillonnant, fait de roches en fusion et pesant des milliards de tonnes, passa au-dessus des montagnes, et les enfouit sous des centaines de mètres. En 1889, lors du forage d'un puits artésien à Nampa, Idaho, sur le plateau de la Columbia, près de la Snakrivé, une figurine d'argile cuite fut ramenée à la surface d'une profondeur de 97 mètres, distance à laquelle on était parvenu après avoir traversé une couche de basalte épaisse de 5 mètres. Le compte-rendu de GFA était très précis, le puits était garni d'un fort tube de 15 cm de diamètre, de sorte qu'il ne pouvait y avoir d'erreur sur la profondeur à laquelle se trouvait la statuette, à l'exception de ceux qui tiennent compte de l'extrême ancienneté des dépôts, dont la datation est basée sur des idées préconçues. Personne n'a contesté ce témoignage de accent circonflexe. 1. En d'autres termes, avant que la dernière couche de lave ne vienne s'y étaler, l'homme habitait déjà le plateau de la Columbia. Un continent déchiré, l'Afrique, était tiraillé lorsqu'elle a été déchirée par des fractures allant du nord au sud qui, avec l'affaissement d'une bande de l'écorce terrestre, formèrent la plus longue vallée méridienne de la Terre. depuis le Liban jusqu'au Cap, court une profonde vallée relativement étroite, bordée de parois presque verticales. Elle est occupée par la mer, par des steppes de sel, par d'anciens bassins lacustres, et par une série de plus de 20 lacs, dont un seul communique avec la mer. C'est un fait absolument unique à la surface de la Terre. J.W. Gregory, auteur de ces lignes et célèbre explorateur de la Rivalet, finit par conclure qu'une cause commune et générale avait créé ce rift, depuis son extrémité nord jusqu'à son extrémité sud. Le rift commence en Syrie dans la vallée de l'Oronte, fleuve qui traverse ensuite le Liban, il longe la vallée du Litani, fleuve du Liban, passe par le lac Coulé et de Tibériade, son niveau est inférieur à celui de la Méditerranée, en empruntant le Jourdain, continue par la mer Morte, la plus basse du globe située entre les plateaux de Judée et de Moab. Longe la vallée de l'Araba jusqu'au golfe d'Aqaba avant de traverser la mer Rouge pour rejoindre l'Afrique, de là, il franchit une immense distance, à l'est du Nil, avec un crochet vers le golfe d'Aden, il bifurque en cours de route, d'un côté à l'ouest du lac Victoria pour emprunter une route de grands lacs, dont le Tanganyika, et de l'autre côté à l'est du lac Victoria, pour fusionner au lac Malawi, avant de retrouver la Sabi, rivière au nord de l'Afrique du Sud, et finalement le Transvaal, province de l'Afrique du Sud. Il passe ainsi d'environ 36 degrés de latitude nord en Syrie à environ 28 degrés de latitude sud en Afrique de l'Est, route certes sinueuse mais en fait le long d'un méridien, et égale au tiers de la distance entre les deux pôles. Ibidem, page 13. E. Krankel, auteur allemand qui fait autorité, écrit dans Die Bruchzonen Ostafrika, 1922, la structure tectonique des zones de faille de l'Afrique de l'Est, considérée en détail ou en totalité, n'a qu'une seule, ou rif, due à une fracture de l'écorce terrestre, qui ressemble à une sorte de longue vallée de plusieurs centaines de kilomètres. Sur les cartes de géographie, elle est souvent réduite à une petite portion, aux environs du lac Victoria, mais les sources écrites la situent sur une plus longue distance, du nord au sud de l'Afrique comme Gregory et Wolikowski. En anglais, rift signifie faille en géologie, ou sinon fissure, crevasse, cassure, scission etc. On a admis que ce rift a été créé par une force horizontale, quelle que soit la nature de cette force. La première idée, et la plus simple qui vint à l'esprit, était que l'Afrique avait été déchirée. Une autre école de géologues s'est demandé s'il n'avait pas été formé par une pression horizontale, qui aurait fait remonter ses bords et descendre son centre, la vallée. Après de longs débats, l'unanimité se fixa sur l'avis donné par Edward Suess, éminent géologue du début du siècle, une telle ouverture de fissure ne peut s'expliquer que par l'intervention d'une tension dirigée perpendiculairement à la direction de la fente, tension qui se serait calmée au moment de la déchirure, c'est-à-dire, à l'ouverture de la fissure. Suess signalait aussi que des torrents de lave avaient jailli de la terre le long du rift, avec une activité volcanique des plus vigoureuses. C'est encore lui qui apporta à la géologie, un nouveau concept aujourd'hui généralement admis, celui d'un vaste supercontinent, le Gondwana, qui après avoir occupé la plus grande partie de l'océan Indien, a été détruit et submergé lors d'un affaissement relativement récent. Cet affaissement du Gondwana a pu créer une tension entre l'ouest de l'Asie et l'Afrique, et la partie la moins résistante a dû céder, formant ainsi le Grand Rift. Gregory écrivit, du point de vue des dimensions, ce qui s'en rapproche le plus existe vraisemblablement sur la Lune, dont les petites fissures et les nervures, sont sans doute de longues vallées abruptes, comme cette vallée de Mefafrique de Fest, qui offrirait la même apparence aux éventuels habitants de notre satellite. Parmi toutes les réponses aux questions soulevées par la dépression Afrique-Mer Rouge-Jourdain, la plus intéressante est celle qui pourrait expliquer la nature de ces fissures lunaires, qui sont depuis longtemps un mystère pour les astronomes. Si le rift a été créé par une tension, les vallées de la Lune ont pu l'être aussi. Gregory suivit Suess en établissant un lien entre la Rivalet et les chaînes de montagnes dues à la dernière grande élévation de montagnes plissées d'Europe, d'Asie et des deux Amériques. Ainsi, si l'on arrivait à déterminer l'âge de la dernière élévation, on obtiendrait des précisions sur l'époque qui a vu naître le grand rift. Il est aussi probable que la Rivalet soit née lors d'une grande tension, et qu'elle se soit agrandie à la suivante. Gregory conclut, ce système de vallées étendues n'est évidemment pas le résultat de quelques fractures locales. Sa longueur est environ le sixième de la circonférence terrestre. Il a fallu une cause à l'échelle mondiale, et le premier indice prometteur est la date de sa formation. Gregory était persuadé que le rift remontait à une époque ancienne, à cause des fossiles marins qu'on y avait trouvés, mais il y constata néanmoins des indices d'un grand mouvement terrestre à une date récente. Certains escarpements de failles sont si dénudés et abrupts qu'ils doivent être très récents. Cette continuation de mouvements terrestres pendant la période humaine est l'un des traits les plus étonnants de cette région. Gregory s'étonna aussi sur le fait que les populations avaient conservé le souvenir du bouleversement. Tout le long de la ligne de fracture, la tradition des indigènes fait mention de grands changements survenus dans la structure du pays. La terre subissait une tension, ou une traction, et son écorce s'est craquelée le long d'un méridien sur presque toute la longueur de l'Afrique. Cela est peut-être dû à l'affaissement de l'océan Indien, à moins que cet affaissement et la tension africaine aient une cause commune. L'arête montagneuse au fond de l'océan Atlantique a peut-être été produite par la même cause, et l'époque de la rupture et de la fracture a dû coïncider avec la période de formation des montagnes d'Europe et d'Asie. Ces montagnes ont atteint leur altitude actuelle, alors que l'homme existait déjà. On estime aujourd'hui que le RIF s'est créé en pleine époque de l'homme, vers la fin de la période glaciaire. Quel genre de force a réussi à déchirer un continent? D'où venait la tension qui s'est calmée avec la rupture de la masse africaine? La glace n'a pu faire cela, ni le vent qui érode les cimes des montagnes, ni les ruisseaux qui entraînent les débris de roches vers la mer.